Chapitre 19. Tel fut ce jour-là de juillet, le dénouement de l'histoire étrange qu'il m'a pris fantaisie de raconter. Je conçois qu'elle paraisse incroyable. Il ne faudrait dans ce cas en accuser que l'insuffisance de l'auteur. L'histoire n'est malheureusement que trop vraie, bien qu'elle soit unique dans les annales du passé, bien qu'elle doive, je l'espère fermement, rester unique dans les annales de l'avenir. Il va sans dire que mon frère et Mira avaient abandonné leur projet d'autrefois. Il ne pouvait plus être question d'un voyage en France. Je prévoyais même que Marc ne ferait plus à Paris que de rares apparitions et qu'il se fixerait définitivement à Rax. Gros chagrin pour moi, auquel je devais me résigner. Le mieux en effet serait de vivre, sa femme et lui, près de monsieur et madame Roderich. Le temps arrange tout, et Marc s'accoutumerait à cette existence. Mira s'ingéniait d'ailleurs à donner l'illusion de sa présence. On savait toujours où elle était, ce qu'elle faisait. Elle était l'âme de la maison, invisible comme une âme. Au surplus, sa forme matérielle n'était pas entièrement disparue. N'avait-on pas l'admirable portrait d'elle, fait par Marc ? Mira aimait à s'asseoir près de cette toile, et de sa voix réconfortante, elle disait « Je suis là, je suis redevenue visible, et vous me voyez comme je me vois. » Je restai encore quelques semaines à Rax, après le mariage, vivant à l'hôtel Roderich dans la plus complète intimité de cette famille si éprouvée, et je ne voyais pas s'approcher sans regret le jour où il faudrait partir. Cependant, il n'est pas de vacances si longues qu'elles ne s'achèvent, et il me fallut enfin regagner Paris. J'y fus repris par mon métier, plus absorbant qu'un vain peuple ne pense. Toutefois, trop singuliers étaient les événements auxquels j'avais été mêlé pour que mes préoccupations puissent me les faire oublier. J'y pensais donc sans cesse, et pas un jour ne s'écoula sans que mon souvenir ne s'envolât vers Rax, près de mon frère et de sa femme ensemble, présente et lointaine. Dès le début du mois de janvier suivant, j'évoquai pour la centième fois la scène terrible dont la mort de Wilhelm Storitz avait été le dénouement, quand une idée me vint tout à coup, si simple, si évidente en vérité, que je m'étonnais de ne pas l'avoir eue plus tôt. Dû mon aveuglement faire tenir en piètre estime mes facultés de logicien, je n'avais jamais songé à rapprocher l'une de l'autre les circonstances de ce drame. Ce jour-là, cette conclusion s'imposa à mon esprit que si le corps de notre ennemi vaincu avait perdu le pouvoir d'invisibilité qu'il possédait vivant, l'abondante hémorragie consécutive au coup de sabre d'Aralan devait en être l'unique cause. Ce fut un éblouissement. Il m'apparut aussitôt avec certitude que la mystérieuse substance était tenue en suspension dans le sang et qu'elle s'était répandue avec lui. Cette hypothèse admise, la conséquence s'en déduisait d'elle-même. Ce que le coup du sabre d'Aralan avait fait, le bistouri du chirurgien pouvait le faire. Ce n'était là en somme qu'une opération des plus bénignes qu'il était aisé d'exécuter graduellement et qu'on pourrait répéter autant qu'il serait nécessaire. Le sang que Mira aurait perdu, elle le remplacerait par du sang tout neuf, et un jour viendrait où ses veines ne contiendraient plus aucune trace de la substance maudite qui privait Marc du bonheur de la voir. J'écrivis aussitôt à mon frère dans ce sens. Mais, au moment où ma lettre allait partir, j'en reçus une de lui, et je jugeai préférable de retarder l'envoi de la mienne. Dans sa lettre, mon frère m'annonçait en effet une nouvelle qui rendait au moins pour l'instant mes spéculations inutiles. Mira allait, me disait-il, le rendre père. Ce n'était pas le moment, on en conviendra, de la priver de la moindre goutte de son sang. Elle n'avait pas trop de toutes ses forces pour supporter la redoutable épreuve de la maternité. La naissance de mon neveu ou de ma nièce m'était annoncée pour les derniers jours du mois de mai. L'affection que j'ai pour mon frère étant connue du lecteur, il est inutile de dire que je fus exact au rendez-vous. Dès le 15 mai, j'étais à Rax, où j'attendis l'événement avec une impatience qui ne le cédait pas à celle du père. Ce fut le 27 mai qu'il se produisit, et cette date ne sortira jamais de ma mémoire. On dit qu'il n'y a plus de miracle. Il y en eut un, cependant, ce jour-là. Un miracle dont je puis garantir personnellement l'authenticité. Ce que fut ce miracle, on le devine. La nature nous apporta le secours que je voulais demander à l'art. Et Mira, comme Lazare, sortie vivante du tombeau. Marc, ébloui, affolé, enivré, la vit lentement surgir de l'ombre, et doublement père, il vit naître en même temps son enfant et sa femme, qui lui parut plus belle encore d'avoir été si longtemps cachée à ses yeux. Depuis, mon frère et Mira n'ont pas plus d'histoire que moi-même. Pendant que je m'épuise la cervelle à chercher la perfection mathématique idéale et inaccessible, puisque les mathématiques sont, comme l'univers, infinies, Marc poursuit sa carrière glorieuse de peintre célèbre. Il habite Paris, à deux pas de chez moi, dans un hôtel superbe où chaque année M. et Mme Roderich viennent passer 2 mois avec le capitaine devenu le colonel Haralan. Chaque année, cette visite est rendue à Rax par les deux époux. C'est le seul moment où je sois privée du babil de mon neveu. C'était un neveu, décidément, que je chéris avec une tendresse qui tient à la fois de l'oncle et du grand-père. Marc et Mira sont heureux. Fasse le ciel que ce bonheur dure de longues années. Fasse le ciel que personne ne connaisse les maux qu'ils ont souffert. Fasse le ciel, et ce sera mon dernier mot, que jamais ne soit retrouvé l'exécrable secret de Wilhelm Storitz.